Allez, c'est la deuxième de l'émission. Salut à tous, bienvenue pour cette deuxième de l'émission Auto Hebdo. On est ravis de vous retrouver une nouvelle fois après le Grand Prix d'Azerbaïdjan de Formule 1 et on va en parler aujourd'hui, bien évidemment. À mes côtés aujourd'hui, Mathieu Chambenois, comment ça va Mathieu ? Ça va et toi Michael ? Ça va très bien ma foi. Et puis regardez, un petit nouveau, Valentin Glo, qui vient nous parler d'endurance. C'est beau, comment ça va ? Bah ça va très bien et toi Michael ? Ça va très bien. Ravi d'être ici en tout cas. N'hésitez pas dans les commentaires à me demander si je vais bien aussi, hein. Je vous y répondrai personnellement dans chacun des commentaires bien entendu. Tu es sûr, ça va bien Michael, tu es sûr ? Maintenant que tu le dis, non mais c'est vrai que... Est-ce que je pourrais avoir le canapé s'il vous plaît, ça m'arrangerait. Non, désolé, ils resteront donc sur le canapé. Mais ils parleront avec moi de Formule 1 aujourd'hui, le Grand Prix d'Azerbaïdjan remporté par Max Verstappen. Et on retrouvera d'ailleurs Cyprien Juillard, parce que vous allez vous dire que c'est le grand absent évidemment de cette émission 2. Cyprien Juillard qui est à Bakou, voilà, et à qui on fait un petit coucou de Bakou du coup, et qui sera là dans l'émission en duplex tout à l'heure pour nous parler Formule 1. On reviendra avec la question hebdo de la semaine, on se demandera est-ce que Max Verstappen peut aller le chercher, ce titre mondial face aux deux pilotes McLaren. C'est peut-être pas si impossible que cela. On évoquera ensuite l'endurance avec notamment Valentin et on aura également Fabien Gérard qui sera avec nous parce que Genesis a annoncé deux de ses nouveaux pilotes pour son programme WEC en 2026 et on parlera aussi des 6 heures de Fuji qui arrivent ce week-end et vous verrez qu'Auto Hebdo sera sur place avec un dispositif exceptionnel. Et comme toujours, tous les résultats de la semaine évidemment et nos tops et nos flops en fin d'émission. Écoutez, voilà messieurs, je pense qu'on a fait un bon petit sommaire, on va pouvoir commencer tout de suite avec la Formule 1. Et donc, on va parler Formule 1, d'abord avec Cyprien Juillard, qu'on va retrouver du côté de Bakou en Azerbaïdjan, il était là tout le week-end. Salut mon cher Cyprien, Max Verstappen qui s'impose lors de ce Grand Prix après avoir dominé les qualifications dans des circonstances particulièrement difficiles. Est-ce que le quadruple champion du monde est de retour ? Ouais, salut Michael, et puis salut à tous. Écoute, est-ce qu'on peut dire que Verstappen est de retour ? C'est une bonne question, parce que pour qu'il soit de retour, ça voudrait dire qu'il faudrait qu'il soit parti, ou en tout cas qu'il était moins bien. Je pense que Max Verstappen montre que c'est le meilleur pilote de cette grille. Il a réalisé un week-end parfait, un week-end vraiment assez exceptionnel, franchement. La pole position, il y avait peu de doutes sur le fait qu'il soit capable de la réaliser. On le sentait à l'aise, on l'avait vu à Monza, déjà très à l'aise. Après, il fallait quand même le faire. Il a fallu résister à des conditions très difficiles qui ont piégé beaucoup d'autres pilotes. Mais Max Verstappen, on sait aussi que c'est un pilote qui, lui, ne fait pas d'erreur là où les autres en font. Et il l'a montré une fois de plus. C'était assez bluffant de sa part. Voilà, on peut toujours compter sur lui pour saisir les miettes de ses rivaux, surtout des McLaren, quand les McLaren font un peu moins bien. Et puis après, sa course, il a déroulé. Je dois avouer qu'il n'y avait pas forcément de doute sur le fait qu'il remporte ce Grand Prix à la régulière, puisque avec derrière lui une Williams, une Racing Bulls, des voitures qui sont globalement beaucoup plus lentes, on se doutait que le Néerlandais pourrait s'échapper, mais il l'a fait. Encore fallait-il le faire, fallait-il construire cette avance. Il l'a fait à la perfection. Maintenant, la question qui se pose, c'est en effet le championnat. Alors, le championnat, moi je suis un peu partagé sur cette question puisque Max Verstappen a quand même 69 points de retard sur Oscar Piastri. Il reste 7 week-ends avec 3 sprints. C'est quand même très court, je trouve, pour remonter 69 points. Maintenant, c'est la Formule 1. On n'est jamais à l'abri d'une surprise. Alors, McLaren a un petit peu pris l'eau ce week-end. Oscar Piastri abandonne dès le premier virage. Il perd finalement assez peu de points sur Lando Norris au championnat. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce week-end des monoplaces papaye ? Il y a plusieurs facteurs en fait qui peuvent expliquer cette contre-performance de McLaren. D'abord, il y a les caractéristiques du tracé de Bakou qui ne sont pas franchement favorables à la monoplace britannique. Ça, ils avaient été assez clairs dessus dès le début du week-end. Même s'ils avaient gagné l'an dernier à Bakou, ils anticipaient que ce ne serait pas forcément leur meilleur week-end et ils avaient plutôt vu juste. Et puis après, il y a eu aussi les conditions climatiques en qualification, le vent. Alors, le vent, certes, c'est le même pour tout le monde, mais il a particulièrement perturbé aussi les pilotes McLaren. Le vent et un petit crachin aussi qui s'est un peu abattu en Q3 notamment. Les week-ends sans, ça arrive, comme le disait Andrea Stella après la course. Tous les pilotes et toutes les équipes peuvent avoir des coups de moins bien. Ça a été le cas ce week-end pour Oscar Piastri qui s'est quand même raté dans les grandes largeurs. Il s'est d'abord crashé en qualification, ce qui était déjà assez inhabituel de sa part, mais c'est surtout son début de course sur lequel je voudrais insister, puisque déjà son départ est complètement manqué. Alors, je pense que Oscar Piastri a essayé de vraiment prendre un départ excellent, d'avoir un temps de réaction le plus court possible pour tout de suite gagner les positions, puisque pour rappel, il partait le 9e après son crash en qualification. Sauf que du coup, il s'est manqué. Déjà, il a volé le départ et en plus, il a l'anti-galage qui s'est activé et qui du coup l'a fait être dernier au premier virage. Partant de là, déjà, sa course était, je pense, très compromise, mais en plus, il se met dans le mur au 5e virage. Encore une fois, c'est une erreur vraiment inhabituelle de la part de Piastri, inhabituelle aussi pour un leader du championnat, mais il ne faut pas non plus dramatiser. Oscar Piastri, il a encore 25 points d'avance, donc c'est une avance qui est très confortable. Je pense qu'il est très conscient de l'erreur qu'il a commise. Il nous l'a dit aux médias d'ailleurs. Il n'était pas. Il m'a un peu étonné, Oscar Piastri, parce qu'il n'était pas finalement très, très alarmé ou visiblement très déçu. Bon, il était tout de suite tourné vers Singapour et puis disait, bon, bah, ça arrive, voilà, j'ai fait une erreur, j'assume, off. Et par contre, ce qui est plus décevant du côté de McLaren, c'est Lando Norris, qui, je trouve, avait beaucoup mieux à faire ce week-end et qui se contente de la sixième place, de la septième place, pardon, et de 6 points qui vont avec. Franchement, Lando Norris, il a commis une erreur en qualification aussi sur son dernier tour en Q3, qui fait qu'il part que septième. Il met un peu ça sur les conditions de piste, sur le fait que McLaren soit sorti en premier, enfin qu'il soit sorti en premier sur sa dernière tentative et que c'était la mauvaise option. Je pense qu'il y avait un peu plus que ça. Il y avait plus que ça à aller chercher et je pense que Norris a recommis une nouvelle erreur dans un moment clé qui va peut-être lui coûter cher en fin de saison puisque là, il avait quand même un boulevard, une belle opportunité devant lui. Donc c'est très dommage pour lui, mais bon, il gagne quand même 6 points sur Oscar Piastri, plus que 25 points d'écart entre les deux avant Singapour. On avait évoqué dans les enjeux du week-end avec Mathieu Carlos Sainz, qui a répondu de manière éclatante ce week-end, podium sur le sec dans une Williams. Est-ce que Williams a maintenant sécurisé cette 5e place au championnat constructeur ? Ouais, je pense qu'on peut se le dire. Là, à mon avis, sauf immense retournement de situation, Williams devrait avoir cette 5e place du classement des constructeurs en fin de saison, ce qui serait un excellent résultat pour eux. Et puis oui, pour Carlos Sainz, ça a été un week-end absolument parfait, de A à Z. Alors déjà, cette très belle qualif. Deuxième aux côtés de Max Verstappen. On revient encore une fois sur ces conditions, mais parvenir à passer une Williams en deuxième ligne, c'est en partie lié aux conditions difficiles qui ont piégé d'autres pilotes, mais ça veut aussi dire que Carlos Sainz, lui, ne s'est pas fait piéger. Donc un très très bon week-end avec un podium à la clé. Ça va l'aider à reprendre confiance après une première partie de saison un peu compliquée. On sait qu'il y avait eu son temps d'adaptation un peu délicat, mais ça, il avait prévenu. Et puis là, on sent que ça a encore été un peu compliqué ces dernières semaines, un peu dans l'ombre d'Alex Albon. Et enfin, Cyprien, on ne peut pas ne pas parler aussi de la galaxie Red Bull, parce que Liam Lawson et Yuki Tsunoda ont sorti des bons week-ends pile au moment où leur avenir se joue. Donc où en est-on un petit peu dans cette galaxie ? Oui, en effet, ils ont bien choisi leur week-end, Yuki Tsunoda et Liam Lawson. On sait qu'il y a des discussions en ce moment sur leur futur. On a compris aussi ce week-end à Baku que finalement, eux deux s'est disputé la même place, que l'arrivée d'Isaac Hadjar chez Red Bull est quasiment actée. Ça se sera confirmé à partir du Grand Prix du Mexique, notamment. C'est là où Helmut Marko nous a confié qu'il fera un point, qu'il prendra une décision. Donc, Tsunoda et Lawson vont se disputer la deuxième place chez Racing Bulls aux côtés d'Arvid Lundblad, dont la promotion ne fait désormais plus aucun doute. Alors, entre les deux, on avait plutôt tendance à donner avantage à Liam Lawson déjà avant cette course, parce que Liam Lawson, il réalise plutôt une bonne saison après des débuts compliqués. On se souvient de ses deux premiers Grands Prix chez Red Bull. Puis, ce fut plus dur, son retour chez Racing Bulls. Et là, il a vraiment, depuis l'été, redressé la barre. Mais là, Yuki Tsunoda fait aussi un très beau Grand Prix. Il se rapproche de plus en plus de Max Verstappen. Alors évidemment, il y a encore un fossé qui est conséquent entre les deux. Mais une sixième place pour une Red Bull, pour une deuxième Red Bull, c'est le meilleur résultat depuis plus d'un an. Donc c'est quand même positif pour le japonais qui est quand même sur une courbe ascendante. Problème, Liam Lawson aussi est sur une courbe ascendante. Donc voilà, bon, en tout cas pour Red Bull, on peut quand même dire que c'est un luxe d'avoir le choix entre deux pilotes qui sont très performants ces dernières semaines, ou qui sont en tout cas performants, on va dire plutôt. Donc à voir lequel des deux choisiront. Mais pour les deux hommes, en tout cas, c'est un beau résultat qui va leur donner confiance. Et puis, pour celui des deux qui ne sera pas choisi, il faut aussi performer dans cette fin de saison pour éventuellement convaincre une autre équipe, même s'il va rester peu de places disponibles. On pense à Alpine, par exemple, voilà, ou d'autres équipes, même en 2027, après, qui pourraient être intéressées. Donc, en tout cas, très bon week-end de la part de l'ensemble du Giron Red Bull. Les quatre voitures dans les points, avec Isaac Hadjar 10e aussi. Voilà messieurs, donc Cyprien qui était à Bakou, c'est bien, c'est que la semaine dernière il était au Castellet, cette semaine à Bakou. Où sera Cyprien la semaine prochaine? Je ne sais pas, mais en tout cas Valentin lui sera à Fuji. Oui, tout à fait. Et il nous fera un petit duplex aussi plaisir, depuis Fuji. Évidemment. Bah, j'espère bien. ce sera ma foi fort sympathique. On pourra débriefer le résultat de cette avant-dernière manche du WEC. C'est ça, on va pas encore vous le faire tout de suite parce qu'on ne l'a pas devant nous, je suis désolé, on n'a pas ces dons de voyance. Mais avant de continuer cette émission, parlons encore un petit peu de Formule 1 via la question hebdo. Max Verstappen peut-il donc encore aller chercher un cinquième titre mondial consécutif? La question que l'on vous pose également sur AutoHebdo à partir de 20h sur AutoHebdo.fr, et on va déjà y répondre une première fois ici, messieurs. Alors, sachez que la semaine dernière, j'étais un petit peu l'avis contraire dans cette question hebdo, et on m'a donné environ 14 secondes de temps de parole. Sachez que cette semaine, j'ai aussi l'avis contraire. Donc nous verrons ce qu'il en adviendra, Mathieu. Verstappen peut-il être champion du monde cette année? Non. Et je donne un temps de parole seulement pour ces personnes. Non, vas-y, développe un petit peu. Non, alors effectivement, moi j'aurais tendance à dire non, très simplement parce que déjà McLaren en tant qu'équipe a une avance beaucoup trop importante. Le titre constructeur, il est sécurisé pour moi. Oui, ça, on sait que ça va être fait, oui. Maintenant, le titre pilote pour moi, il l'est aussi, tout simplement parce que cette avance, elle est effective. Max Verstappen qui a remporté donc les deux dernières courses à Monza et à Bakou, mais qui a profité aussi de circuits sur lesquels McLaren était moins à l'aise. En l'occurrence, on s'attend à ce que, par exemple, à Singapour, McLaren revienne un petit peu sur le devant de la scène, sur des circuits qui, effectivement, sont un petit peu plus propices, notamment avec des circuits et des configurations un petit peu moins rapides, avec des lignes droites un petit peu moins nombreuses, parce qu'on sait que McLaren, en termes de vitesse de pointe, n'est pas la meilleure équipe du plateau, pas du tout même. Et donc, Max Verstappen a su profiter, à mon sens, de ces épiphénomènes, parce que je les appellerai comme ça. Il a été très bon, parce qu'effectivement, c'est le meilleur pour saisir ces opportunités-là. Par contre, eh bien, je m'attends quand même à ce que McLaren gagne à nouveau. Par contre, attention, et là je vais vous laisser effectivement aussi la parole par rapport à ça, parce que McLaren est capable de se saborder, et heureusement pour eux qu'ils ont construit cette avance, parce qu'on voit que, à mon sens, ils ne sont pas l'équipe prétendante au titre, du moins dans l'esprit. Ils n'ont pas cet esprit dominateur et cet esprit conquérant, et on l'a vu ce week-end, je trouve, toutes les failles auxquelles ils peuvent s'exposer. Oui, parce que tu parles d'épiphénomène, Mathieu, mais Singapour ne serait-il pas potentiellement aussi un épiphénomène? Et puis Las Vegas ne serait-il pas un épiphénomène? Il y a quelques-uns, hein, peut-être. Singapour est le seul circuit sur lequel Red Bull n'a jamais gagné, en l'occurrence. Alors Verstappen, parce qu'on rappelle que Red Bull, notamment dans les années où nous avons cette magnifique Red Bull sur la table, Red Bull gagnait des courses à Singapour à cette époque-là. À prendre le stade, quand même, à Singapour, Antonio Giovinazzi, il y a plus de tours menés là-bas que Max Verstappen. J'étais parti pour dire oui, mais non, ça me paraît impossible du coup. Maintenant qu'on a sorti cette stat qui est vraie, et c'était avec Alfa Romeo. Oui, c'est ça, exactement. Mais toi, est-ce que tu penses qu'il va pouvoir être champion cette année? Moi, oui. Après, je suis d'accord avec Mathieu sur effectivement par rapport à ce qu'on disait là, avec Singapour. Je pense que ça va beaucoup dépendre de Singapour. Si Max et Red Bull s'imposent dans les rues de la cité-État, oui, là, je pense que McLaren a des gros, gros soucis à se faire. Je suis d'accord également sur le fait que McLaren monte toutes les failles. Et moi, ce qui m'inquiète dans la mentalité des deux pilotes, que ce soit Norris ou Piastri, c'est leur réaction quand les choses ne vont pas. Quand Norris a un problème à Zandvoort et abandonne, sa réaction à la radio est plate. Ouais. Là, la réaction de Piastri, quand il se met dans le mur, idem. Ouais. Ce ne sont pas des réactions pour moi, de futurs champions du monde, de pilotes qui veulent à tout prix être champion du monde. Et ça m'inquiète un peu. Face à un Max Verstappen, qui lui n'a rien à perdre, il a déjà été 4 fois champion du monde, je pense que dans sa tête, il ne s'imagine pas gagner le titre, mais je pense que ça le rend encore plus dangereux. Et effectivement, on parlait d'épiphénomène, mais Max n'avait jamais signé la pole à Bakou, ne s'était jamais imposé à Bakou. Il l'a fait. Non, mais c'est sûr qu'il y a toutes ces questions. Moi, c'est vraiment ce week-end qui m'a fait un petit peu changer d'idée. Si on est très honnête, je pense qu'il y a 1% de chance qu'il le gagne, ce titre, parce qu'il est quand même très loin, et McLaren ne va pas faire 7 et 9e sur la grille et puis finir avec une seule voiture à l'arrivée tout le temps. Ça, on est assez d'accord. Mais je pense que malgré tout, il y a cette opportunité, parce que rappelez-vous que l'an dernier, on avait eu ce débat, est-ce que Norris pourrait aller gagner le titre? Il avait une meilleure voiture que Max Verstappen, certes, mais à cette époque-là, on se disait, oui, mais il avait une meilleure voiture, mais enfin, c'était Verstappen. Ici, Max Verstappen n'a pas la meilleure voiture par rapport au McLaren, mais il est face au McLaren. Et je rejoins un peu Valentin dans ce qu'il dit. Les réactions ne sont pas exceptionnelles. La fébrilité commence quand même à se faire sentir de plus en plus, parce qu'on saluait Oscar Piastri pour justement ce côté très conquérant en début de saison, mais depuis qu'il est en tête du championnat, c'est beaucoup plus compliqué justement, et c'est Norris qui reprend un petit peu l'ascendant. Donc je pense que les deux sont fébriles. Je crois que leur manque de réaction à la radio et devant les médias, c'est aussi pour tenter de se protéger un petit peu, pour dire bon, non, on ne joue pas le titre, vous savez, non, voilà, c'est histoire d'essayer de faire croire à tout le monde que c'est une situation très normale, mais je pense qu'ils sont extrêmement stressés, et ce serait normal, parce que c'est peut-être leur seule chance de gagner un titre. Donc, moi je pense que dans une situation où Verstappen est largement au-dessus du reste du plateau, et que les McLaren ont commencé à se marcher un peu dessus, c'est pas impossible. Hein. J'aimerais revenir sur ce que tu dis, sur le fait que les McLaren peuvent se marcher dessus. Pour moi, ce qui m'inquiète aussi chez eux, c'est l'absence de décision sur qui est le pilote numéro 1, qui est le pilote qui va amener au titre mondial. Piastri a une victoire d'avance sur Norris. Pour moi, ils doivent même pas se poser de questions. Ils doivent prioriser Piastri parce que c'est un coup à soit les prochains Grands Prix, à se marcher dessus et à s'enlever des points. Et là, ils ne peuvent pas s'enlever des points. Je ne sais pas si c'est un problème qu'ils n'aient pas de numéro 1 et de numéro 2. Par contre, pour moi, c'est un problème qu'ils soient trop tendres. Et c'est là que je vous rejoins. Encore une fois, on en avait un petit peu parlé, mais voilà, à demi-mot, c'est vrai que l'événement de Monza, je ne l'ai vraiment pas compris. La position à Norris pour des questions d'arrêt au stand qui se passent mal. Je trouve que cette espèce de tendresse qu'ils ont, Elle était bonne quand ils avaient une avance considérable. Et je pense qu'ils ont sous-estimé le fait que c'est une compétition, qu'un championnat du monde, ça se gagne effectivement sur la piste, avec une forme aussi d'état d'esprit conquérant. Tu disais le mot que je trouve très juste. Donc, en ce sens, là où je vous rejoins, c'est que Max Verstappen est le meilleur pilote et le meilleur challenger possible pour nous faire espérer ce retour. Néanmoins, je pense qu'aussi, on pourra mesurer, et c'est aussi sur ça que je voulais rebondir, la capacité mentale de Piastri qu'on loue en bien depuis le début de l'année. On pourra la mesurer justement par rapport à cette réaction qu'il aura après Bakou. Est-il capable de vraiment rebondir et de gagner à nouveau et de faire taire les critiques tout de suite, ou bien sera-t-il un petit peu plus en retrait et sera-t-il un petit peu annihilé justement dans sa dynamique après cet abandon? C'est la première fois qu'on le voit vraiment faillir à ce point, et donc je trouve que ce sera vraiment passionnant de voir à quel point il rebondira ou non, l'Australien. Le mot de la fin, Valentin ? Pour moi, il y a un facteur X aussi dans ce titre. Il s'appelle Yuki Tsunoda, qui retrouve des couleurs. Il c'est vrai, on en parlait avec Cyprien. Sixième à Bakou. Si Tsunoda arrive à être au niveau et à se mêler à la lutte pour des podiums sur la fin de la saison, s'il arrive un peu à embêter les McLaren en piste, ça pourrait commencer aussi à devenir compliqué pour McLaren. Ouais, parce que rappelons aussi que depuis que Laurent Mekies s'est arrivé, il y a un peu une autre manière de penser. Hein, chez Red Bull aussi, il l'avait expliqué. Pendant tout le week-end, Max Verstappen à Monza, qui était clair et net qu'il fallait prendre une décision sur l'aérodynamique qu'il pensait la meilleure. Les ingénieurs disaient au départ non. Laurent Mekies est intervenu en disant « Non mais écoutez, faisons confiance au pilote, il a gagné. » Là, il arrive avec lui. Donc peut-être que aussi Red Bull va commencer à avoir une voiture qui sera un peu plus facile à piloter pour Max Verstappen. Et donc là, ça peut devenir un peu dangereux. On vous laisse aussi, bien sûr, répondre à 20h donc, sur le site, sur autohebdo.fr. Vous pouvez répondre à la question hebdo. Et puis en commentaire, donnez-nous évidemment tous vos avis complets. Et jugez aussi nos avis, hein, bien sûr. Vous savez, moi, j'ai cru comprendre. Hein, débutons sur Internet avec autohebdo, vous savez. Mais je peux comprendre que les avis désastreux, ça faisait du buzz, voilà. Donc, t'as commencé très fort avec le fait de parler de Flavio Briatore dans l'épisode 1, donc effectivement. Oui, mais j'en ai parlé 17 secondes, puisque en réel, on m'a fait comprendre que c'est un avis désastreux. Ça, c'est fou quand même. En tout cas, merci pour je trouve que tu l'as mauvaise quand même, Michael, un petit peu. Moi, je suis désolé. Celui qui a été le plus virulent, c'est Cyprien. Vous voyez que je suis très gentil, il est là. Il n'a pas du tout été envoyé à Bakou pour le Grand Prix. Envoyé spécial, enfin, c'est très bien. On va dire adieu à Mathieu Chambenois. Enfin, adieu, rassurez-vous. Adieu Mathieu, adieu. À jamais. Il va l'heure. Revenir, mais on va parler d'endurance maintenant, mesdames et messieurs. Et oui, parce que pour parler d'endurance, on accueille notre ami Fabien Gérard. Comment ça va, Fabien ? Salut Michael, ça va très bien, salut à tous. Salut Fabien, salut. Comment ça va ? Bon, ça va bien. Alors. T'as changé, alors. Mathieu. Ouais, on va me la faire à chaque fois, celle-là. Ouais, et là, je vous dis déjà, ça promet, puisque ces deux personnes vont partir dès ce mardi pour Fuji, au Japon, et ils vont passer le week-end ensemble. Ouais, un peu plus que le week-end. Et ne voyez bien l'échelle de Richter, elle va bouger. ça va être quelque chose, et je pense qu'on aura très hâte de voir ça sur les réseaux sociaux d'Auto. Pendant toute la semaine. Pas seulement les réseaux sociaux. Exactement. Mais on le site internet, le magazine. Exactement. Vous en aurez partout du Fuji, avec Acolis ASP qu'on salue évidemment et qui nous accueille là-dedans. On sera donc, et Fabien, tu seras en immersion Voilà, exactement. J'ai de la chance d'être accueilli par l'équipe Akodis ASP de Jérôme Polycran. On va donc vivre la semaine au rythme de cette équipe, assister à tous les petits secrets de cette équipe. On va comprendre comment surtout fonctionne une équipe de très haut niveau au sein d'un championnat du monde. Et je suis ravi de pouvoir vous les faire découvrir en compagnie de mon ami Valentin. Voilà. Qui est toujours là sur le WEC, bien sûr, et qu'on retrouvera dans l'émission du coup la semaine prochaine, bien évidemment. Mais avant de revenir un petit peu sur ce qui va se passer ce week-end à Fuji, messieurs, Genesis a donc annoncé l'arrivée en 2026 de Mathis Jobert et de Dani Junkadela, qui sont deux de leurs pilotes déjà en ELMS cette saison. On rappelle qu'ils sont avec IDEXport en ELMS cette année pour découvrir un petit peu tout le monde de l'endurance. Ça marche plutôt pas mal du tout d'ailleurs, avec une victoire à Silverstone lors de la dernière épreuve. Ils sont même à 3 victoires depuis le début de la saison. C'est quand même pas mal du tout. À Barcelone, au Castellet et à Silverstone. Et en plus, ils vont donc arriver en WEC en 2026. Ils avaient déjà annoncé André Lotterer et Pippo Derani. Maintenant, Mathis Jobert et Dani Junkadela. Est-ce qu'on peut considérer, Valentin, que c'est une surprise? Oui et non. Mais c'est un beau choix pour Mathis Jobert, je pense. Oui, pour le jeune pilote français, effectivement, tout va très vite pour lui. C'est pas lui faire injure que de dire qu'il y a un an, en décembre 2024, enfin il y a moins d'un an, quand Genesis a annoncé les contours de son programme, ses premiers pilotes titulaires, et les trois pilotes du Trajectory Programme qui, à l'époque, étaient Logan Sargeant, ouais, Jamie Chadwick et Mathis Jobert, que c'était l'inconnu du trio. Mm. Un peu plus de six mois plus tard, c'est le seul des trois qui est promu. Bon, Logan Sargeant a crevé l'écran. Exactement, Logan Sargeant a fait d'autres choix de carrière. Mm-hmm. Jamie Chadwick, elle n'est pas promue, ce n'est pas pour autant qu'elle quitte le giron Genesis, puisqu'elle fera toujours partie du Trajectory Programme la saison prochaine. Son programme sera dévoilé plus tard. Et elle a, je pense, encore une opportunité en 2027 d'être promu, mais en IMSA, puisque Genesis fera son entrée en IMSA, en 2027. Après, est-ce que c'est une surprise? Oui et non, parce que comme on l'a dit, leurs résultats de cette année en ELMS sont impressionnants, et Mathis Jobert fait preuve d'une pointe de vitesse et pour moi d'une maturité qui sont bluffantes en piste. D'ailleurs, dès Barcelone, Junkadela, qui est pourtant un pilote bien plus expérimenté, qui devait faire les qualifs, lui a laissé la place. Mm-hmm. Et Junkadela a dit non, c'est Mathis qui fait la séance de qualifs. Il est extrêmement rapide en piste, il ne fait aucune erreur. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est quelqu'un qui à côté fait une école d'ingénieur et ça lui sert en piste. On voit qu'il a ce côté analytique et quand il analyse ses courses après coup, c'est toujours très intéressant, très lucide. Et encore une fois, à Silverstone, il a été bluffant dans le sens où c'était la première fois qu'on le mettait en deuxième relayeur, parce que d'habitude, il finissait les courses. Là, on l'a mis en deuxième relayeur. Et c'est lui qui a roulé sur les conditions changeantes au moment où le déluge s'est abattu. Donc, c'était un peu la situation la plus dure. Et c'est lui qui fait le call de l'équipe pour dire on met les pluies, avec évidemment le soutien et l'accord de l'équipe. Oui, bien sûr. L'accord de l'équipe. Mais c'est lui qui fait le call, on met les pluies, et c'est ce qui fait gagner IDEC et Genesis à Silverstone, alors qu'ils n'avaient pas du tout la voiture la plus rapide du week-end. Il fait partie de cette génération de pilotes qui travaillent énormément, on va dire, qui remettent des devoirs à la maison. Mmh. Ce genre de pilotes, ils ont un simulateur à la maison, ils passent leurs heures à rouler, à passer du temps derrière un volant, à essayer de comprendre des situations, à travailler leur mental aussi. Et c'est vrai que Valentin a parlé de sa maturité, et c'est vrai que ce garçon, qui a à peine 20 ans, il fait preuve d'un calme olympien. C'est ce que recherche un constructeur quand ils vont aux 24 heures du Mans. On ne veut pas juste des pilotes rapides, on veut des pilotes qui savent utiliser leur cerveau, qui savent penser à l'équipe et pas simplement penser à leur propre performance. Ouais, en fait, Mathis, ce qui est bien, c'est qu'ils vont pouvoir le modeler, mais pas le... Comment dire ? Ils peuvent l'amener dans les directions qu'ils souhaitent parce qu'il est justement force de proposition et qu'il sait, il a l'intelligence de pouvoir faire les bons choix, mais comme il l'a prouvé pendant la course de l'MS, quand il faut aussi monter au créneau, il ne va pas simplement se mettre derrière l'équipe en disant je fais ce que vous décidez. Donc il a vraiment, je pense, ces deux côtés-là qui font que pour un constructeur, c'est vraiment très bien. Je vous propose qu'on l'écoute d'ailleurs, Mathis Jobert, puisque ce week-end, il roulait et il a même gagné en Porsche Carrera Cup France, et Alexandre Herbin l'a interviewé. Mathis, d'abord, félicitations. On imagine aujourd'hui qu'il y a beaucoup de fierté et un sentiment d'accomplissement. Tout à fait. C'est beaucoup de travail. Je n'ai pas la même trajectoire que d'autres pilotes, passant par la Caterham, des catégories à peu de budget. Et puis, je pense que le lancement de ma carrière, ça a été la sélection Porsche en 2023, où j'ai été junior Porsche. Et donc, ça a vraiment été le point de départ avant d'intégrer le Genesis Trajectory Programme l'an dernier, en fin d'année dernière. Et puis là, annoncé en tant que titulaire en WEC dès l'an prochain. La saison prochaine est encore loin. Quelles vont être les étapes pour y arriver? Alors, ça va être premièrement de faire les premiers roulages dans la voiture, très prochainement, durant le mois d'octobre. Voilà, prendre en main la voiture et continuer le développement que mes coéquipiers André et Pipo Derani ont commencé à faire. Et voilà, après, ça va être faire les premiers tests officiels à Qatar dès début mars et rentrer en WEC en mars prochain. Merci Alexandre. Valentin, parle-nous un petit peu justement de ce parcours aussi de Mathis Jaubert, parce qu'on en a dit beaucoup de bien, mais d'où vient-il justement? Oui, il a un parcours un peu atypique. C'est pas un jeune pilote qui est passé par la monoplace, il a commencé en Caterham. Et ce qui est intéressant chez jeune homme, c'est que par exemple l'année dernière, il a fait 25 week-ends de course. Il a fait faire la Porsche Carrera Cup Asie où à 19 ans à peine, il voyageait tout seul. Donc ça l'a aidé aussi à gagner en maturité. Et finalement, son parcours cette année qui lui fait faire à la fois du GT et à la fois du LMP2 est pour moi la meilleure préparation possible pour l'hypercar l'an prochain. Et ce qui prouve sa valeur rapidement aussi, à Monza, il est venu faire un week-end de Super Cup. Il s'est parfaitement comporté dans une discipline de spécialiste. Ouais. Donc, ouais, c'est un bon casting de la part de Genesis. Et Dani Uncadella, mon cher Valentin aussi, lui, ouais. C'est peut-être lui finalement la surprise. Il sort les marrons du feu comme ça en arrivant en tant que troisième homme à la place de Sargeant qui avait fait défection en début d'année. Oui, il est arrivé vraiment au dernier moment avant l'épreuve de Barcelone, puisque on le rappelle, c'était Sargeant qui devait rouler avec Chadwick et avec Jaubert de base. Et Uncadella est arrivé avec son statut de pilote expérimenté du GT. Mais ce qu'il va apporter, c'est encore une fois son expérience, lui, de son côté. C'est un pilote qui a 34 ans maintenant. Mm-hmm. Mais ce qu'il va apporter aussi, c'est sa connaissance de la Formule 1. Parce qu'on a tendance à l'oublier que c'est un pilote, un ancien pilote de réserve de Force India, que c'est le pilote de simulateur d'Aston Martin en F1. Et ce sont des qualités non négligeables pour un projet qui naît. Pour un projet qui va débuter l'année prochaine. Et qui se veut ambitieux. Donc il va apporter un feedback, des retours techniques intéressants. Et est-ce que c'est bien, messieurs, d'avoir déjà 4 pilotes annoncés maintenant? On est au mois de septembre. Vas-y, jette le pavé dans la mare. Alors, normalement, Genesis doit encore annoncer 2 pilotes. Voilà. Ils veulent un line-up de 6. Mais là où c'est un peu étonnant d'annoncer des pilotes maintenant, c'est que il y a la situation de Porsche qui est dans un flou le plus total. On ne sait pas si Porsche va continuer en WEC ou en IMSA l'année prochaine. Mm-hmm. Et donc, potentiellement, d'ici 1, 2 ou 3 mois, il y a des pilotes de renom qui sont potentiellement sur le marché. Des Kevin Estre, des Julien Andlauer, des Lawrence Venter, Mathieu Jaminet. Le nom de Mathieu est d'ailleurs revenu plusieurs fois chez Genesis ces derniers mois. Donc, c'est là que c'est un peu surprenant. Est-ce qu'ils ne se sont pas précipités? À voir. Dans les derniers pilotes, il y en a un dont le nom revient aussi assez régulièrement, c'est Paul Louchatin, qui serait, je pense, un bon ajout, parce que Paul Lou, c'est pareil, c'est un garçon intelligent, rapide, qui est à l'écoute de ses équipiers, et c'est un bon team player, comme on dit, Paul Lou. Donc ce serait un bon casting, mais effectivement, recruter, ou en tout cas annoncer ses pilotes aussitôt, alors que potentiellement il y a des énormes calibres qui vont être sur le marché d'ici quelques temps, c'est peut-être une erreur. Moi je prends un peu le contre-pied. Est-ce que finalement, on va terminer là-dessus, mais est-ce que, on a aussi Stoffel Van Dorn qui semble très proche de Genesis, et qui sera remplacé d'ailleurs à la finale de Bahreïn par Théo Pourchaire, donc on peut imaginer effectivement qu'il a déjà son avenir de fait, mais rien n'a été annoncé évidemment. Mais justement, ils ont Van Dorn sur leur viseur, ils ont Paul Louchatin, ils ont d'autres pilotes. Est-ce que c'est pas aussi une preuve de dire non mais écoutez, nous on n'a pas besoin d'attendre que des autres pilotes soient disponibles à côté, on vient, on a déjà préparé notre marché, on a fait ce qu'il fallait. C'est peut-être une façon aussi de le faire, parce que à l'heure actuelle, imaginons si Porsche annonce, et ce sera assez tard, son retrait, les pilotes ne vont pas pouvoir non plus se recaser dans beaucoup d'équipes. Hein. Ouais, après, il y a aussi la question pour Porsche des contrats. Qu'est-ce qui va se passer pour des pilotes comme Estre et Andlauer? Ils sont sous son contrat pour l'année prochaine. Est-ce qu'ils ne doivent pas simplement faire du GT pendant un an? Pour revenir justement sur Stoffel Van Dorn que tu mentionnais, Michael, le fait qu'il ne dispute pas la manche de Bahreïn, qui est la finale, pose un peu question. Lui, il nous a dit à Cyprien à Bakou, sans révéler de secret, que c'était d'un commun accord et que que ça arrangeait tout le monde, que ce n'était pas à cause des mauvais résultats. Et en effet, si il ne dispute pas la dernière manche de la saison, ça peut lui permettre potentiellement, s'il est confirmé avec Genesis, de se greffer sur les essais de la LMDH avant la fin de l'année. C'est ça. Ça peut être malin, effectivement. Donc, à voir, affaire à suivre, en tout cas, on verra en 2026 arriver Genesis sur les circuits du WEC. Ce week-end, messieurs, donc on l'a évoqué, vous serez à Fuji. Qu'est-ce qu'on peut en attendre rapidement de cette course, messieurs, de cette avant-dernière manche déjà de la saison Qui est la 100e course du WEC. Ça y est. Joyeux anniversaire, le WEC. Joyeux anniversaire, le WEC. Le WEC est centenaire. Ouais. Ben, ils vont être contents de l'apprendre. On rappelle, le WEC, première course, quelle année? Mais 2012. Bravo. Il y aura des petits quiz comme ça, vous savez, moi je ne veux qu'il n'y ait que des spécialistes dans cette émission, donc il y aura des petits moments comme ça. Je vais prendre la porte du coup. Hein. Non, reste là. Non, on a besoin de toi. C'est un sport d'équipe. Vous êtes un équipage. Deux, trois pilotes par voiture, voilà, exactement. Nous sommes un équipage. Ce que je te propose, tu fais quatre relais, j'en fais un, on est bien. Voilà. Ce sera très équitable. Complètement équitable. Et Michael, il roule quand dans cette histoire? Michael, c'est le team manager. Oui, c'est ça, moi je suis le team manager. Nous sommes des fans des courses à deux, du coup. Je suis en remote, en fait, moi, pour les 6 heures de Fuji, c'est pour ça que je suis dans le Mission Control. Et nous avons du coup Mathieu pour les courses de plus de 6 heures qui rentre. Pilote de réserve, exactement. Voilà. C'est tout à fait normal, vous voyez, cette émission tourne déjà parfaitement, et ça, j'aime beaucoup. Et en tant que team manager, justement, Fabien, je vais devoir repasser par la pit lane, voilà. On va refaire un changement de pilote. C'est très très bien, on en aura beaucoup dans cette émission. Je trouve qu'il roule beaucoup quand même, Valentin. C'est assez fort. On va faire revenir Mathieu Chambellois, mais rassurez-vous, on retrouvera Fabien après, c'est merveilleux. Mais là, on va parler un petit peu des résultats du week-end. Voilà, vous remarquerez qu'on fait les changements de pilote assez rapidement quand même ici. Hein. Il suffit d'avoir une F1 V12 qui passe et paf, Mathieu Chambellois est avec nous. Oh, voilà, le copilote de Thierry Neuville qui se retrouve assis à côté de moi. Suis-je Thierry Neuville? Je ne sais pas. Donc là, je suis désolé, on va y aller. Hein, clairement, on va vous mettre la photo des deux côte à côte et dites-le nous en commentaire s'il ressemble à Martin Vidagueux ou non. La réponse étant, comme pour Max Verstappen, non. Bien sûr. Ce week-end, donc, on avait de l'IMSA, mon cher Valentin, victoire de Cadillac à Indianapolis. Enfin, Cadillac qui gagne cette année en IMSA. Ils avaient gagné en WEC à Sao Paulo, on s'en rappelle, ils avaient signé un doublé. Mais Cadillac n'avait toujours pas gagné en IMSA cette année. Et il faut un doublé à Indianapolis avec la victoire de la 31 de Jack Aitken, Earl Bamber et Fred Vesti qui était parti. Cette voiture était partie en pole position. Ils se sont imposés devant Ricky Taylor et Philippe Albuquerque sur la numéro 10. Doublé en plus, hein, de Cadillac, effectivement. Donc ça, c'est quand même pas mal. Sur un circuit assez mythique, hein, ça va, il y a pire. Assez mythique, oui, c'est le Brickyard. Il y a pire comme endroit. Il manquait juste le lait pour faire comme les 500 miles. Non, s'il vous plaît, ça, non, voilà, les gens veulent copier ce qui se fait de mieux, non. Bon, on après, précisons quand même que la course, cette Battle of the Bricks, c'est 6 heures d'Indianapolis, c'est d'ailleurs la première fois que cette course se disputait sous un long format, n'emprunte pas l'ovale. Enfin, non, bien sûr. C'est le circuit routier d'Indianapolis, donc avec l'infield, un peu comme ce qui se fait pour les 24 heures de Daytona, par exemple. Exactement. Et on avait également de la Formule 2 ce week-end, mon cher Mathieu. Tout à fait. Et là, eh bien, ça va être le moment où peut-être que vous allez découvrir des noms. Et ça, on aime beaucoup dans cette émission. Dis-moi tout, Mathieu. Sur les circuits de Bakou, on a eu moins de drapeaux rouges qu'en Formule 1, du moins en qualification. Effectivement, ça a été moins laborieux, même si ça l'a été aussi. Effectivement, victoire en sprint de Dino Beganovic, doublé high-tech d'ailleurs, parce que Dino Beganovic a été suivi par son coéquipier Luke Browning, qui était à ce moment-là encore pleinement dans la course au titre, à mon sens. En tout cas, il revenait très bien. Leonardo Fornaroli qui a fait 5e de la sprint. Et puis Luke Browning, eh bien, qui s'est un petit peu écroulé, qui a terminé dernier parmi ceux qui ont terminé justement la course principale. Celui qui a gagné la course principale, eh bien, justement, c'est Jack Crawford, qui lui a repris la deuxième place au championnat. Et Leonardo Fornaroli qui a été constant, qui a fait 5e. Il était 2e à l'arrivée, mais il s'est fait pénaliser de 10 secondes, donc il a sécurisé une 5e place en Formule 2. En fait, Fornaroli, il n'avait pas gagné, on rappelle, hein, son année de titre en F3 ainsi de suite. Il avait gagné grâce à sa constance. Oui. Cette année, il a commencé à taper des courses. Et là, j'ai l'impression, pour la fin de saison, il dit au fait, j'avais oublié quelque chose, je suis très constant. C'est justement le premier week-end depuis Silverstone qu'il ne gagne pas une course, que ce soit sprint ou principale. Donc effectivement, il perd un peu ses bonnes habitudes de cette saison. Mais voilà, le travail, il est fait. Il y a beaucoup de points, effectivement, d'écart entre le deuxième et le premier. Donc maintenant, il peut se permettre de gérer. Il reste 2 week-ends et le prochain, il sera fin novembre seulement. Donc il pourra avoir le temps de se reposer d'ici là. On salue la trêve automnale donc de la F2. C'est un petit peu comme ça qu'on peut la nommer. Ce week-end, il y avait également donc, de la Porsche Carrera Cup France. Vous avez pu suivre ça sur Auto Hebdo tout le week-end. Victoire de Mathis Jobert et de Marcus Amant. En Fréca, c'est Matteo De Palo et le français Enzo Delini qui se sont imposés. Un petit cocorico, bien sûr. Il y avait également la finale du GT World Challenge Sprint à Valence avec la première course qui a été remportée par John M. Pepper et par Luca Hensler sur une Lamborghini. La deuxième course a été remportée par la BMW de Charles Weir. C'est Kelvin Vanderlind qui remporte le titre en plus, champion donc de cette GT World Challenge Sprint. Et je vois les yeux de Mathieu qui sont ravis de l'apprendre. Je pense à la Formule 2, moi, effectivement, hein, tout à fait. Ça va, il y a des courses sprint, des courses principales, c'est comme la Formule 2 finalement, tout va bien. Ça a été très animé en tout cas le GT World à Valence ce week-end. Notamment une course 1 où nous avons eu un premier tour assez rocambolesque. C'est souvent disons, le bazar à Valence hein, sur ce circuit. Sur les cartes de tournoi, oui. Très sinueux, c'est jamais simple. Et enfin, en NASCAR, on salue Ryan Blaney qui s'est imposé sur le New Hampshire Motor Speedway et qui se qualifie pour le tour suivant des playoffs. Un jour, on vous fera un grand débat et un grand dossier sur les playoffs. Vous allez voir, vous allez tout comprendre. J'ai l'impression qu'on parle de NBA d'un coup. Qui sait, ce sera peut-être le cas un jour. Hein. On parle de faire un Final Four maintenant avec 4 courses de fin de saison. Donc voilà, il pourrait un peu faire cela. Ça pourrait être une idée pour la F1, eux qui cherchent plein d'idées. Allez, on va conclure cette émission avant les enjeux du week-end. On va finir d'abord sur les tops et les flops du week-end écoulé. Et puisque c'est ta première fois dans l'émission, mon cher Valentin, on va commencer par tes tops. Rapidement, dis-moi tout. Bah oui, mais on est comme ça, nous on est sympa. mes tops, Carlos Sainz, déjà, pour commencer, puisque il nous fait un week-end extraordinaire. Alors certes, deuxième grâce aux circonstances que l'on sait, la pluie qui s'est invitée en Q3. Mais après, il fallait garder sa position sur le podium et il a fait une course très très propre. Donc c'est bien de voir Carlos et William sur un podium. Toujours en F1, Yuki Tsunoda, j'en parlais tout à l'heure. C'est le meilleur résultat de l'année pour la seconde Red Bull. Sixième devant Lando Norris. Donc dans une potentielle lutte pour le titre, dans un potentiel retour de Verstappen, cela peut être intéressant. Et un petit mot d'IMSA. On a parlé de la victoire au classement général de Cadillac, donc en LMP2 c'était DS Racing qui s'est imposé, et deuxième devant Inter-Europol et avec un certain Tom Dillman au volant qui a fait une superbe course et qui c'était sa première course c'était son retour en IMSA depuis sa blessure à Mosport. Il avait reroulé en LMS pardon, mais en IMSA c'était son retour et il a fait une superbe course pour finir sur le podium avec Inter-Europol. Mon cher Mathieu, quels sont tes tops? Alors, je vais faire très rapide parce que j'avais aussi noté Carlos Sainz, à noter symboliquement pour ajouter un petit quelque chose qu'effectivement, il complète son premier podium avec Williams avant Lewis Hamilton avec Ferrari. C'est un peu dur, mais néanmoins, le pari est quand même réussi de sa part, certes, sur des circonstances. Ferrari s'était séparé du mauvais pilote, je pose la question. Ça sera peut-être une autre question hebdo. Non, en tout cas, c'est vrai que c'est quand même beau de sa part et je pense qu'on a tous été ravis pour lui, en tout cas, par rapport à ça. Le deuxième top, c'est du côté de la Freca. Freddy Slater, tu l'as pas nommé parmi les vainqueurs parce qu'effectivement il a fait deuxième de la course 1 et cinquième de la course 2. Il est tout de même leader du championnat à égalité de points avec Matteo De Palo. Il est premier parce qu'il a une victoire de plus. Et moi je le cite en top ce week-end parce qu'il a fait notamment un dépassement que je vous invite à aller voir hein, si vous le voulez, mais franchement formidable depuis l'extérieur justement sur le circuit de Barcelone. Il a enroulé par l'extérieur et Matteo De Palo et Beloff justement dans cette course assez formidable de sa part. Il a failli avoir la quatrième place, mais vraiment il démontre quand même des qualités énormes. À noter qu'il a déjà signé en F3 avec Trident l'année prochaine, donc vraiment formidable de la part, du Britannique. Et puis le dernier, c'est plus un top honorifique parce que paradoxalement, il n'a pas fini une course ce week-end, je tiens à le dire, mais quand même, mention spéciale pour Marcinus Stenshorn qui vient de la F3, qui faisait une pige pour la première fois en F2 du côté de Trident justement, qui est de loin l'équipe la plus loin au championnat, qui éprouve le plus de difficultés. Ils avaient remplacé leur pilote, ils avaient enlevé Max Esterson et le français Sami Meghetounif des voitures. Et Marcinus Stenshorn qui a eu un problème moteur lors de la course sprint alors qu'il était sur le podium et qui s'est fait notamment percuter par Josep Maria Marti pendant la course principale alors qu'il était là encore dans le top 3. Donc pour une pige en tout cas, c'est vraiment formidable de sa part. Il y a de fortes chances qu'il se fasse repérer. Mon cher Mathieu, j'ai juste une petite question sur Slater. Je t'écoute. Peut-on dire que Freddy a sorti les griffes ce week-end? Allons-y pour Freddy a sorti les griffes. Bon, en commentaire, hein, vous vous dites si c'est la dernière émission de Valentin ou pas. Mais je sais que j'aurai le soutien de Cyprien sur celle-ci, donc... Je m'étais débarrassé de Cyprien, justement, j'étais heureux. Bah, toi, ça te plaît, je vais à Fuji ce week-end. Vous ne demandez pas pourquoi je ne suis pas dans l'émission la semaine prochaine, hein. C'est pour cette blague. C'est peut-être le siège là-bas qui est assez, je ne sais pas. Je crois qu'il est hanté à moitié. Ouais, il y a un truc qui fait, je ne sais pas, il y a un truc bizarre. C'est l'âme de Cyprien qui hante voilà. Moi, en tout cas, j'ai aussi des tops, hein, si vous voulez. Et bon, t'écoute, Michael. Carlos Sainz, c'est surprenant. Tu fais dans l'originalité, mon cher Michael. Carlos Sainz, mais j'en ajoute un autre. Au DJ à Bakou, à la personne qui s'est chargée de mettre les sons en fait avant le podium, parce qu'il a diffusé un petit Smooth Operator qui est absolument fabuleux. Donc ça, c'était très bien. Et puis, j'en donne un aussi quand même au Team Penske, parce que ce week-end, ils ont été vraiment au-dessus du lot en NASCAR. Joey Logano a fait la pole, Ryan Blaney s'est imposé. Josh Berry, qui est sur une voiture satellite des Wood Brothers, a fini deuxième. Bref, c'était vraiment nickel de leur part. Valentin, les flops maintenant. Bah oui, c'est un petit peu moins bien les flops, mais il y en a quand même. Oui, bon, bah, comment ne pas mentionner Oscar Piastri? On en a rapidement parlé tout à l'heure, mais son week-end est indigne d'un week-end de futur champion du monde. Il touche le mur pendant les essais libres. En qualif, il met la voiture dans le mur cette fois. Premier tour, catastrophique. Oh, le départ était affreux. Le départ était affreux. 5 virages plus tard, il est dans le mur. Bon, que dire de plus ? On lui a mis 0 pointé. C'est ce que j'allais dire, les notes qui seront retrouvées dans le magazine. Voilà, mais il a eu 0 effectivement ce week-end dans AutoHebdo. Et mon autre flop du week-end, c'est en IMSA. Je voulais parler de Nick Tandy qui nous a fait un relais sur la Porsche. Cataclysmique, sans le dire. Oui, disons qu'il a rencontré pas mal d'autres voitures sur sa route. Ça fait partie du personnage aussi. Il est très rapide, Nick Tandy, mais des fois, bon, quelques petits incidents parfois. Voilà. Disons ça. Bon cher Mathieu. Eh bien écoute, les flops, c'est d'abord McLaren dans son ensemble. D'une part, les pilotes, Lando Norris qui n'a pas saisi l'opportunité comme elle aurait dû l'être. Oscar Piastri, tu en as parlé. Mais aussi, effectivement, le team voilà, qui a du mal à être tranchant, comme on le disait tout à l'heure. Et puis sinon, je voulais parler de Luke Browning. J'en ai parlé à moitié tout à l'heure. Mais voilà, en Formule 2, Luke Browning qui était bienvenu, qui avait décroché sa première victoire en carrière en F2 à Monza, donc il y a 2 semaines. Et là, eh bien, malheureusement, il fait dernier de la course principale alors qu'il avait fait podium en sprint. Il se fait dépasser par Jack Crawford. Bref, on sent qu'il a vraiment laissé passer sa chance, laissé passer l'opportunité. Et il laisse, bien sûr, Fornaroli continuer à marquer des points depuis la tête du championnat. Moi, je mets aussi McLaren parce que je fais vraiment dans l'originalité aujourd'hui. Donc décidément, voilà, McLaren, il mérite quand même ce flop. Mais comme toi, c'est une globalité. C'est-à-dire qu'en plus de Piastri qui fait un très mauvais week-end, Norris n'a pas non plus été assez flamboyant selon moi. On va déjà introduire une nouvelle séquence dans l'émission, et ça c'est beau, parce que vous voyez, ça évolue tout le temps. On va vous parler un petit peu de l'enjeu principal du week-end à venir. Je tiens à rappeler que tout ce qu'on vient de vous dire sur le week-end précédent sera à retrouver aussi hein, dans le magazine AutoHebdo, dès 20h ce lundi en version numérique, et dès mercredi évidemment, en kiosque. Allez, et vous savez quoi pour l'enjeu du week-end ? Eh ben, on va retrouver Fabien Gérard. Vous voyez, on a fait 47 changements de pilote. Et moi, je fais un quadruple relais. Donc voilà. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine, finalement. Et oui, à la semaine prochaine, Mathieu. Bonne fin d'émission. À la semaine prochaine, si en tout cas, tu es encore là. Moi, je rappelle que je vous renouvelle d'émission en émission. Si je reviens du Mans aussi, parce qu'effectivement, je serai sur la manche finale de F4 France. Tout voilà. À fait. Tu vas nous on revenir avec quelques belles petites choses. Mais oui, tu vas revenir quand même. Tous les jours, je viens du Mans, ça va. C'est vrai. Non, voilà, évidemment, je reviendrai avec des petites choses, en tout cas, j'espère, croustillantes. Au revoir, Mathieu. Au revoir. Merci d'avoir partagé cette émission avec moi, avec ce canapé, plaisir. Surtout. Avec grand plaisir. Et on retrouve donc Fabien Gérard. Bah oui, parce que ce week-end, c'est Fuji. Donc ce week-end, on va amener les deux qui vont s'envoler pour Fuji pour nous parler dès demain matin. On sent la joie. La joie dans le regard de Valentin Glo. Valentin a déjà fait chauffer les crocs. Voilà. Et moi, je tiens à vous le préciser, chers amis. Ceci est très très bas. On est loin, évidemment, de vouloir faire en sorte que vous les embêtiez, mais ils seront présents à l'aéroport Charles de Gaulle à partir de 7h du matin demain. Donc n'hésitez pas à aller prendre le petit déj. Voilà, un petit autographe. Ils seront ravis de le faire. Mais ce week-end, eh bien, Ferrari peut être championne des constructeurs en WEC. Maintenant, c'est un peu la question que je veux vous poser. Est-ce que Ferrari peut aller chercher ce titre sur un circuit qu'il n'aura pas véritablement réussi historiquement ? Oui, voilà, ça me paraît compliqué. L'année dernière, ils ont fait 9e, il me semble. Donc, on rappelle la situation, ils ont 65 points d'avance au championnat constructeur et ils doivent repartir de Fuji avec 66 points d'avance sur Porsche ou n'importe quel autre constructeur qui passerait deuxième pour s'assurer du titre. En fait, je ne vois pas l'intérêt d'éventuellement de clore le championnat des 7 manches de Fuji, d'aller prendre des risques inutiles, d'aller se mettre dans une situation compliquée avant la finale où finalement le circuit de Bahreïn leur sera beaucoup plus bénéfique. Tout à fait. Donc, c'est sûr. Pas d'intérêt pour Ferrari d'aller se battre. Après, Fuji, les prévisions météorologiques pour le moment sont à environ 60% de risque de pluie. Et on sait qu'à Fuji, la météo peut être un vrai facteur dans la réussite ou la déroute dans une course. Donc attention, il peut y avoir des surprises sur ce circuit. Et effectivement, ce serait bien, alors dur de dire briser l'hégémonie de Ferrari, mais c'est vrai que Ferrari a une hégémonie sur ce championnat du monde d'endurance. Mais ce serait bien quand même pour la fraîcheur, pour l'intérêt du championnat, qu'on ait un autre vainqueur ce week-end. Une hégémonie, pardon, qui est quand même brisée depuis quelques courses. Ouais, ils n'ont plus gagné depuis le Mans. Sao Paulo doublé Cadillac, à Austin victoire de Porsche. Ouais, mais on va dire que c'est un capital de points qu'ils gèrent et pour lesquels ils prennent un petit peu moins de risques. La balance de performance leur est aussi un tout petit peu moins favorable. Mais voilà, pour l'intérêt du championnat, c'est bien de voir que les autres constructeurs qui s'investissent tout autant que Ferrari ont aussi une chance. Et pour moi, il y a plein d'enjeux finalement dans cette course. Tu l'as dit, c'était une course à surprise l'année dernière. Alpine a fini sur le podium, Peugeot a fini 4e. Ce sont deux constructeurs qui sont dans des dynamiques différentes. Ouais. Peugeot vient de faire un podium, magnifique podium. Austin a même signé son meilleur résultat d'ensemble avec une quatrième place également. Mm-hmm. Alpine, ça a été le week-end, la course à Austin a été catastrophique. Ouais. Donc c'est une occasion à la fois pour Peugeot de confirmer, à la fois pour Alpine de se relancer. Pour Porsche également, c'est l'occasion de confirmer. Et il y a aussi Toyota, finalement. Toyota, c'est leur course à domicile. Ça va être dur, mais c'est leur course à domicile. Ils n'ont pas gagné Le Mans, ils ne peuvent pas prétendre au titre. Le seul moyen qu'ils ont de sauver leur saison, c'est de gagner Fuji. Ouais, gagner à domicile, très clairement. On va suivre ça, en tout cas, tout le week-end, avec grand plaisir avec vous, chers amis. On rappelle, sur tous les réseaux sociaux d'Auto Hebdo, on en parlera dans l'émission la semaine prochaine, on en parlera dans le magazine également, et sur le site internet. Bref, vous allez tout savoir sur ces 6 heures de Fuji. Merci beaucoup, Valentin, merci beaucoup, Fabien. Avec plaisir. Merci à Mathieu, qui nous regarde encore une fois de là où il est, c'est-à-dire juste à côté, ne vous en faites pas. Merci à vous de nous avoir suivis pour cette deuxième émission. On se retrouvera donc la semaine prochaine à partir de 19h, et on parlera notamment, ouais, qu'on parlera MotoGP, on parlera de plein de belles choses. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.